Bonjour à tous, vous écoutez Radio Gemozo. Nous sommes le samedi 2 février, 17h pile poil, et c'est la deuxième édition de notre événement, les samedis musicaux, qui verra ici dans notre studio chaque premier samedi de tous les mois des artistes. Ça peut être des musiciens, même autres, hein, vous verrez aujourd'hui. Il y aura du one man show avec le duo des Moretos, et juste avant il y aura Gilou qui est animateur chez nous. Gilou, bonjour. Oui, bonjour Mika. Les gens bonjour. Te connaissent s'ils écoutent le 107 FM ou sur internet. Voilà, oui, Radio donc les jeudis. Ouais, le jeudi après-midi. Les jeudis après-midi de 16h à 17h30 en direct. Quelle est cette émission? Donc je reçois des artistes en interview. Ou alors si je n'ai pas d'interview, je fais une émission coup de cœur avec des artistes que l'on entend sur d'autres radios, et puis des artistes de la région. Mes coups de cœur, je rediffuse les artistes que j'ai reçus dans mon interview. Donc les artistes qui sont venus, je veux dire, voilà, les chansons ne restent pas dans les tiroirs. Ça repart, c'est rediffusé dans mes émissions coup de cœur. Quel genre d'artistes interviewes-tu? Ouais, alors il y a pas mal d'artistes d'univers différents. Mais c'est vrai que c'est plus souvent des chanteurs romantiques. Puisque bon, voilà, l'émission s'appelle Les Années Bonheur. Donc c'est plus souvent des chanteurs romantiques. Mais après, comme je dis toujours, on est là pour tous les artistes, bien sûr. Il y a des jeunes générations, il y a des générations un petit peu plus anciennes, et voilà. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui seraient intéressés pour participer dans ton émission, s'ils sont eux-mêmes chanteurs... Sûr. Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Et puis, j'invite un petit peu tout le monde aussi à venir lors de ces émissions. J'en parlais tout à l'heure avec Sylvie. Donc, c'est vrai que bon, voilà, j'avais reçu Christian Vidal, et puis Sylvie est fan de Christian Vidal. Donc voilà, vous pouvez venir, bien sûr. Peut-être nous laisser quand même un petit mot sur la page Facebook de notre radio, et puis vous pouvez assister à ces émissions. Malgré en dehors des portes ouvertes, quoi. Ben c'est ça. Ça c'est la particularité de notre radio, hein, c'est que tout un chacun peut venir ici, que ce soit pour s'exprimer ou assister aux émissions. Même tu dis de laisser un message, mais même il y a pas besoin. Hein, généralement quand oui, on oui. sonne à la porte, on ouvre. Voilà. Je dis bien généralement. Et là, donc, le principe de cet événement, hein, c'est vraiment que mettre un peu en lien les artistes et le public, que les gens puissent venir gratuitement assister à ces spectacles. Et puis, il y a aussi possibilité d'écouter sur Internet. Également, il y a déjà un live Facebook, et Patou qui est là et qui nous filme tous, souriez à la caméra. Et peut-être que vous qui écoutez, c'est par ce biais du live Facebook sur la page de la radio. Voilà. Donc moi, je voulais profiter aussi pour dire bonjour à tous les auditeurs, les auditrices, à tous les amis Facebook qui nous suivent, et puis bonjour à vous tous qui êtes venus nombreux. Là, c'est bien. Bonjour à tous. Mais est-ce qu'il y a du public? Merci. Parce qu'on n'entend pas grand-chose. Bonjour. Ah oui, quand même. On verra si vous mettrez le feu tout à l'heure lors des performances de Gilou pour commencer. Et alors, en dehors de cette émission, oui. Tu chantes, puisque tu parlais de chanteur romantique, c'est oui. aussi ton cas, tu te définis comme oui, ça. Oui, comme chanteur romantique, voilà, tout à fait, oui, c'est depuis toujours, hein, j'aime la chanson romantique. C'est on était bercé dans les années 70, tu vois, 60, 70, et puis voilà, c'est resté, quoi. Après, bon, bien sûr, il y a aussi d'autres chansons, hein, d'autres chansons anglo-saxonnes, je veux dire plus des années là, des années 70, etc., quoi. C'est quoi qu'un chanteur romantique? C'est quoi un chanteur romantique? Oui. Ah, c'est un charmeur. C'est un crooner. Bon, je ne sais pas si je peux dire crooner pour moi, mais je veux dire, voilà, c'est un petit peu ça, voilà, charmeur un petit peu. Mais non, des belles musiques, des belles paroles. Voilà, j'ai reçu Christian Vidal, voilà. Ça, c'est un chanteur romantique. Tu te souviens, on avait interviewé Yona. Donc Mike Brandt, c'est un chanteur romantique. La nièce de Mike Brandt avait été interviewée, ouais, voilà, dans voilà. ton émission, Gilou. Oui, voilà, je veux dire, bon, tous ces artistes-là. Alors bien sûr, maintenant, on entend moins de chansons romantiques. Enfin, ce que j'en pense, moi, voilà. Il nous reste Franck Michael, Frédéric François, quelques autres, voilà, qui ont un petit peu disparu aussi de la scène, qui sont moins médiatisés, bien sûr. Et il y a Gilou. Et puis il y a Gilou, oui. Gilou local. Et je sais, voilà. Alors attendez madame, on va vous donner un micro. Non mais c'est bien le visiteur. Alors je vais peut-être courant en fil, je sais pas, on va essayer. Sinon on va en donner un, on va en ouvrir un, le 3 par exemple. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans le public. Je voulais savoir si Gilou pouvait interpréter Frank Sinatra, un crooner. Ou alors, j'ai fait la définition du chanteur romantique, je parlais de crooner. Alors je suis très très très mauvais en anglais. Vous avez parlé crooner, mais c'est pas grave. Non, je pourrais pas vous chanter du Sinatra, non. C'est une de tes particularités. Même dans l'émission, des fois j'ai du mal. C'est uniquement en français. Uniquement en français, ouais. Quel est ton répertoire? Il y a d'une part les reprises de chanteurs romantiques et d'autre part tes propres chansons. Voilà, oui, j'ai commis 2 EP, donc 4 chansons que j'ai enregistrées en Belgique, dans un studio, voilà, en Belgique. Ça est venu d'une connaissance sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est quand on gère bien la page, c'est intéressant au niveau artistique. Et donc j'ai fait la connaissance de Pierre Charby, un artiste pareil des années 70, je sais pas si ça vous parle. Oui, Pierre Charby avait un grand tube qui s'appelait You. You, hein, rappelle-toi la danse aux lointaines vacances. Voilà. Donc je suis devenu ami avec Pierre, bien sûr je vais parler de, parce que c'est une passion en fait, voilà, la chanson c'est une passion pour moi, voilà, je fais ça pour me faire plaisir et tout, et je voulais rentrer en studio, je voulais voir comment ça se passe, etc. Et puis donc avec Pierre on a discuté, on est devenu amis, et il m'a offert gentiment donc 2 chansons que donc j'ai enregistré en studio. Ça c'était en 2013 les premières, et ensuite j'en ai refait 2 en 2016. Voilà, donc là c'est toujours dans le même répertoire, quoi, bien sûr. Ceux qui te découvrent aujourd'hui, où peuvent-ils entendre les morceaux que tu évoques? Alors les morceaux sont sur mon Facebook officiel, Gilles Mougel officiel. Les morceaux sont, il y a aussi 2 clips vidéo sur YouTube. Vous tapez gilmougel.fr et voilà, il y a deux chansons, enfin il y a 2 clips sur YouTube. Autrement, j'ai plus de CD. Je les ai écoulés. Mais bon, j'ai des petites photos aussi, des fois pour la suite. Je fais ma pub. Bon voilà, on peut les écouter là, et puis bon, c'était diffusé dans des radios locales comme nous, associatives, parmi des amis animatrices que je connais, animateurs aussi bien sûr, parce que bon voilà, on a une belle famille sur Facebook et voilà. Ce que tu dis, c'est intéressant aussi pour ceux qui chantent comme ça chez eux pour le loisir. Il y a possibilité maintenant de pouvoir enregistrer des disques, de pouvoir aller par exemple à la Souris Verte, comme c'est ton cas, pour faire des répétitions. Des répétitions, voilà, tout à fait, oui. La Souris Verte, il y a des studios qu'on peut louer. Voilà, c'est pas cher du tout, pour 2 heures de temps, c'est minime, quoi, et c'est des studios de répétition, c'est pas des studios d'enregistrement, mais c'est pas très loin et ça permet de pouvoir répéter ces chansons, quoi, avant éventuellement de partir enregistrer d'autres chansons, ouais. Et pour enregistrer, alors, où es-tu allé? Alors pour enregistrer, je suis allé en Belgique, j'ai été voir un ami, David Vincent. Donc il y a un studio en Belgique. Alors pourquoi en Belgique? Je connaissais l'attaché de presse, qui était l'ami d'une amie. Et puis voilà, on est rentré en relation comme ça. Et puis j'ai trouvé là-bas en Belgique des gens très chaleureux, très sympathiques, très accueillants. Et c'était vraiment, voilà, c'était formidable, quoi. On est tout de suite à l'aise. Bien sûr, je pourrais enregistrer Armiremont, on a un studio maintenant. Le studio Airplay. Airplay, voilà. Rue du Canton. Ouais, voilà. À Nancy aussi. Bon, Nancy, c'est pas très loin non plus. Pourquoi pas, Strasbourg, il y en a partout en fait. Hein. C'est ça. Mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude. Alors, c'est vrai qu'on allie un petit peu l'utile à l'agréable quand on part en Belgique. On passe 3 jours là-bas. Ça nous permet aussi de voir quelques connaissances, parce que bon, j'ai des connaissances dans le Nord. J'ai des connaissances en Belgique, puis ça nous permet de se faire des personnes qu'on a mis sur Facebook, de les rencontrer de visu en fait aussi. C'est des beaux partages aussi, quoi. Ce que je retiens dans ce que tu nous dis là, c'est que déjà, d'une part, maintenant, il y a cette facilité de pouvoir enregistrer, comme tu l'expliquais, il y a des studios un peu partout. Et puis, la force du réseau Facebook. Alors, j'imagine que tous ceux qui sont ici dans le studio Radio Gamos aujourd'hui ont Facebook. Oui, je vois des mains qui se lèvent. Peut-être que vous pouvez constater dans votre quotidien cette possibilité d'être en contact avec des gens avec qui vous n'auriez pas pu être en lien s'il n'y avait pas eu ce réseau. Alors attendez, on va aussi donner, si vous voulez, avancer ce micro près de vous. Oui, il faut donner le micro à Sylvie, là, je veux parler. Beaucoup, parce que vous suivez, donc c'est Sylvie, hein, puisqu'on s'est présenté juste avant la prise d'antenne, et vous écoutez les émissions de Gilou le jeudi après-midi. Et j'ai beaucoup d'amis de Belgique, justement, qui m'ont fait découvrir Radio Glimoseux aussi. Ah, voilà. Ouais. Donc, on est une grande famille, hein, c'est ce que je dis. Et vous avez pu... Les conviviaux là-bas, très accueillants. Oui, c'est vrai. Vous confirmez, hein, c'est vrai qu'ils s'amusent autrement. Oui, c'est vrai, tout à fait. On est tout de suite pris dans le bain, dans l'ambiance. C'est vrai. Vous avez pu, comme Gilou, contacter des stars via Facebook. Vous avez échangé avec quelques personnalités qu'on connaît. Oui, mais je sais, depuis ma tendre enfance, je suis fan des années 60-80, moi déjà. Tout ce qui est français, tout ce qui est... Voilà, et oui, puis... bien sûr. Tous les chanteurs de cette époque, ça. C'était les belles périodes d'adolescence aussi, bien sûr. Oui. Et puis, voilà. Ça a resté, je veux dire, c'est... Puis le patrimoine, donc, bien sûr, de la chanson française aussi, bien sûr. Dans quelques instants, Gilou va chanter rien que pour vous, qui êtes ici dans le studio de Radio Gamozo, et vous qui nous écoutez ou qui regardez le live Facebook. Peut-être avant ça, Gilou... Puisque tu nous as parlé de ces deux EP, comme on dit. Hein, c'est deux EP, voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas l'album, c'est le format. C'est pas l'album, en dessous. C'est moins de 10 titres. Voilà, c'est moins de 10 titres. Ça peut être deux titres, ça peut être quatre titres. Mais voilà, c'est l'intitulation EP. Est-ce qu'il y en a un troisième qui se prépare, là? Oui, il y a des chansons, qui se préparent. Étienne, encore une fois, ça sera tes propres compositions comme les quatre précédentes. C'était pas de mes compositions, hein. Donc moi, je n'écris pas, je ne compose pas. Elles t'appartiennent quand même. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. On a écrit ces chansons pour toi. Bien sûr, oui. Donc il y a quatre chansons en préparation. Voilà. Cet été, on était en répétition, pareil à la Souris Verte, etc. Et donc voilà, c'est je pense, j'espère pouvoir les faire en 2019. Et si le public est chaud aujourd'hui, aura-t-il droit à un inédit? Ah, je non. Vous pouvez repartir finalement. Moi, j'ai cru qu'on allait réussir à soutirer un titre inédit à Gilou. Non, c'est par superstition. Ils sont pas encore enregistrés, donc tu non, peux pas. Non, ils sont les pas encore enregistrés. Non, je peux pas les présenter. Tu sais qu'il y a pas mal d'artistes qui testent justement les chansons en public pour voir quels effets. Ah oui, souvent on le dit dans les émissions, Les artistes, bon, voilà, sortent deux, trois chansons pour tester un petit peu, en fait, voir comment le public réagit. Tout à fait. Mais non, là, je vous dirai rien aujourd'hui. Sans trop nous en dévoiler, hein, puisqu'on va pouvoir percevoir par nous-mêmes. Il y aura, bon, ces quatre titres, en tout cas, qui sont à toi, qui sont parus sur ces deux EP. Et puis, quelques reprises? Et puis oui, bah après bon voilà, il faudra boire avec le temps quoi, le temps qu'on aura. Et puis voilà, une ou deux chansons de Joe Dassin, Michel Delpech par exemple, Franck Michael. Mais bon, faudrait que je laisse du temps aussi à Bernard. Bernard est là avec Pierre, ils sont prêts. Et puis Pierre. Ils ont tenu, forcément, hein, puisque c'est le duo des Moretos. Vous pouvez déjà chercher sur internet si vous avez envie de vous familiariser avant même qu'on parle un petit peu avec Pierre et Bernard tout à l'heure, et puis allez voir sur la page Gilles Mougel officiel pour commander les CD de Gilou. Voilà. Ah non, tu disais qu'il y en a plus. Non, il y en a plus, j'ai plus que les affichettes pour l'instant. En tout cas les clips. Comment? Les clips. Oui, les clips, voir les clips, bien sûr, illustrer tes morceaux. Voilà, les clips qui ont été aussi tournés en Belgique. Voilà. Et pourquoi tu vas en Belgique? J'aime bien la Belgique. Tu sais pourquoi j'aime bien la Belgique? Pour la bière. Et puis les frites. Non, voilà, c'est vrai que la Belgique. Non, puis j'étais très bien accueilli chez David, mon ami David Vincent, donc producteur, un studio donc en Belgique, DVM Productions Europe Canada, donc qui était venu dans nos studios avec une chanteuse canadienne. C'était l'année dernière. qui étaient sur place en live dans nos studios, tu vois. Et il y a un film que les gens peuvent regarder sur cette émission. Il y a un film de très bonne qualité. Oui, c'est vrai, il y a un beau film. Oui, oui, tout à fait. Parce que David était venu avec, il y avait 3-4 caméras dans le studio et il y avait des plans rapprochés, des plans un peu plus éloignés. Et voilà, qui était venu avec cette artiste canadienne, Louise Quentin. Y a on a fait une belle émission aussi. Il n'y a pas 3-4 caméras dans le studio aujourd'hui. Il y a juste Patou avec son téléphone qui fait le live Facebook, mais je pense que ça conviendra parfaitement. Il faudra peut-être mettre un petit trépied après, comme ça, on met le bras. Gilou, juste avant que tu démarres ta performance, on va quand même dire à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent encore nous rejoindre aux 8 places de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-et-Remiremont. Il y a encore des chaises. Ou sinon, peut-être que certains pourront vous prendre sur leurs genoux. Je ne sais pas s'ils accepteront. Oui, il y a encore un petit peu de place. Puis, on se retrouvera juste après, Gilou. Oui. Juste après cette performance qui, on ne va pas le dire, on ne va pas donner de durée, mais devrait avoir 6 titres, c'est ça? Oui, 6 titres, il y avait, ouais. Il y a du rappel, si jamais les gens demandent, on a peut-être du bonus. Bien sûr, oui. Tu es paré, tu es à l'aise. Écoute, on s'est chauffé un petit peu la voix tout à l'heure en faisant les balances, quoi. Hein, bien sûr. Et ta voix, pour la voix, alors avant de chanter comme ça, est-ce que t'as bu un petit coup de vin blanc ou quelque chose? Ah non, pas du tout. Oui, ce matin, j'ai pris une petite cuillère de miel, toi. Donc voilà. Et puis de l'eau, tu vois. On est sérieux. On est sérieux. Je crois qu'on va démarrer ce petit spectacle de Gilou pour la deuxième édition de ces samedis musicaux à Radio Gamozo. Nous vous proposerons chaque premier samedi de chaque mois des spectacles. Ici, il y en aura deux. Oui, on essaiera de varier. Hein. Je pense qu'il y aura à chaque fois un chanteur ou un groupe ou une chanteuse. Et puis peut-être un autre artiste pour la deuxième partie. La team communication. Radio Gamozo. C'est elle qui gère l'événement. Qui gère l'événement. Moi, je voulais saluer la team Gilou. Oui, parce que tu es suivi, on le disait, énormément. Encore une fois, sur Facebook, tu as réussi à créer un réseau. Oui. Que ça soit par rapport à ton émission Les Années Bonheur du jeudi après-midi sur cette antenne, ou alors pour ton projet de chanteur. Voilà, c'est ça, oui. Pour le côté artistique aussi, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi créé une page officielle Facebook, pour pas que tout se mélange, quoi. Tu vois, les émissions sont remises en podcast. Bon, il y a de la musique. On ne mélange pas de la musique avec des salades, quoi. Comme dirait notre ami Jean-Claude. Voilà. Gilou, je crois que je vais me taire. D'accord. Je vais te laisser avec le public. Oui. Pour les chansons tu proposes. Il n'y a pas de préambule. Il n'y a rien à nous dire avant. Il n'y a pas de mise en condition. Je vais commencer par la toute dernière que j'ai fait en 2016, qui s'intitule « J'emmène ton cœur en voyage ». Donc, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà entendu. Bon, et puis après, vous verrez dans d'autres chansons où il y a moyen de participer un petit peu. On va gérer ça. C'est à toi, Gilou. Ok. Assez de grisaille ici, ta vie n'est pas toujours lumière. Entre habitude et soucis, pas le temps de revenir en arrière. Les années s'en vont et viennent, mais tu es restée la même, celle qui rêvait de s'enfuir pour ne pas mourir. J'emmène ton cœur en voyage, là-haut pour toi tout est soleil. J'emmène ton cœur sur des rivages, jardin de miel. J'emmène ton cœur en voyage, là-haut pour toi tout étincelle. Rêvons au-dessus des nuages, à l'arc-en-ciel. Regarde défiler les mers et les grands oiseaux migrateurs, les lagons, les plages, les rivières se sont abribis de couleurs. De l'autre côté du monde, magie, amour se confondent.

À la terrasse, quelques tables, quatre ou cinq chaises un peu bancales, et le patron toujours aimable qui livrait nos limonades dans un endroit un peu bohème, éclairé par quelques lanternes. Moi j'ai tout fait pour te connaître, pour qu'on parle en tête à tête, et nos cœurs ont fait le reste. Au petit café du grand amour, on l'appelait comme ça. Le petit café du grand amour, à cause de toi et moi. J'aimerais que la vie fasse demi-tour et te ramène là-bas, au petit café du grand amour, où je n'attends que toi. Tous les beaux jours s'en vont très vite, tous les avions s'en vont trop loin, la neige tombe sur les vitres du petit café bien triste. Même le patron ne sourit plus, il sait combien j'ai de la peine. Il a compris combien je t'aime, et pour cette raison même, il aimerait que tu reviennes. Au petit café du grand amour, on l'appelait comme ça. Le petit café du grand amour, à cause de toi et moi. J'aimerais que la vie fasse demi-tour et te ramène là-bas, au petit café du grand amour, où je n'attends que toi. Le petit café du grand amour, quel joli nom, vraiment. Il nous a porté chance un beau jour, mais pour si peu de temps. J'aimerais que la vie fasse demi-tour et te ramène là-bas, au petit café du grand amour, où je n'attends que toi. Merci. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai la voix de codeur, hein, mais c'est sa chanson romantique. Voilà. Alors, je vais boire un petit coup quand même. J'ai plus la gorge. Voilà, j'espère que ces chansons, vous les connaissez, bien sûr, que ça vous plaît. Désolée, j'ai enregistré pour Facebook. C'est ma story. Alors, est-ce que vous êtes prêts à chanter avec moi un petit peu? Oui. Donc une chanson de Michel Delpech pour un flirt, vous connaissez? Ouais, bah ouais. Oui. Ça nous ramène. Bon ben on y va. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prêt à tout. Pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour, entre tes bras. Pour un petit tour, au petit jour, entre tes bras. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Je pourrais tout quitter, quitte à faire démoder, pour un flirt

Merci à toi, Gilou, pour ce spectacle dans le studio de Radio Gémozo. Ce showcase. Ouais, c'est ça, ouais. Comme on dit, c'était en petit comité, mais j'ai bien aimé la participation des personnes ici présentes. C'est vrai, hein, c'est vrai. Vous étiez actives, vous chantiez, apparemment, ça vous a plu. Je sais pas s'il y en a qui ont envie de ou poser des questions à Gilou ou de réagir sur ce qu'ils viennent de voir et d'entendre. N'hésitez pas, il y a des micros qui sont branchés. J'ai vu des sourires tout autour de moi, c'est agréable. Est-ce qu'il y a des questions ou de Gilou, toi, tu veux réagir par rapport à ça s'est passé comme tu le voulais cette ça s'est passé bien sûr bien sans problème. Puis je suis content d'être avec vous. Voilà, il y a un petit peu de monde dans le studio, ça fait plaisir, ça change un petit peu. C'est vrai que mis à part nos portes ouvertes où on a quand même pas mal de monde, souvent on se retrouve non pas seul en studio pour les émissions, mais c'est vrai que voilà, ça change un petit peu, ça fait plaisir. Et est-ce que tu peux donner rendez-vous aux gens pour un prochain concert? Est-ce qu'il y a des moments de prévu pour toi? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Il y a rien de prévu. Alors, s'il y a il y a quelque chose de prévu, il y a pas de date encore. Eh ben, j'en profite en fait pour faire coucou à mes amis Anaïs et Fabien. Donc un duo que j'ai reçu donc en live dans nos studios. Voilà. Et on devait faire un concert ensemble. Et puis bon, ça ne s'est pas fait parce que bon, il manquait du monde. Mais on a des choses qui sont prévues avec eux. Donc je sais pas s'ils me voient, je leur fais de gros coucous. Je les embrasse parce qu'ils sont vraiment adorables. Et puis on peut peut-être parler, et je sais qu'on le fera tout à l'heure, dans quelques instants, avec le duo des Moretos, Pierre et son papa Bernard, qui eux font des concerts, enfin des spectacles privés. Oui. Est-ce que toi, tu peux faire ça s'il y en a qui sont intéressés pour te faire venir chez eux? Ah ben bien sûr, oui, ça sera avec plaisir, oui, bien sûr, oui. Voilà, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Je veux dire, voilà, de faire des, enfin c'est pas que c'est pas évident, mais c'est pas facile à trouver. Et puis voilà. Ben les gens peuvent te trouver sur ton Facebook. Voilà, on peut me trouver. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Voilà. Si vous avez une soirée, quelque chose où vous avez envie d'avoir un petit peu de musique, voilà, une petite partie de ce que je vous ai chanté, pardon, là, voilà, il y a pas de problème. Oui, tout à fait. Et puis ils peuvent, je disais, te trouver par ta page FB, mais aussi venir ici. Tu l'expliquais avant le concert. Oui, bien sûr. Le jeudi après-midi, généralement, la plupart du temps, tu es en direct à 16h. Oui, tout à fait. Jusqu'à 17h30. Donc n'hésitez pas, voilà. Vous pouvez me contacter, vous pouvez passer me faire un petit coucou lors de ces émissions. Et téléphoner, puisque tu prends les gens qui appellent. Et oui, aussi, bien sûr. Oui. Tu les prends en direct. Je vais reciter Sylvie. C'est Sylvie qui est venue ici. Quand on a eu Christian Vidal. Donc Sylvie nous a gentiment téléphoné, ça me fait plaisir, voilà, vous pouvez nous appeler aussi. Bon, je sais que des fois c'est pas toujours facile, les gens sont peut-être des fois un peu timides, mais bon, voilà, il faut oser, voilà. J'ai osé. Gilou, c'est bien. Est-ce que nous quittons maintenant? Déjà? Oh là là, ça passe trop vite. À Bernard et Pierre. Non, je vais laisser la place à Bruno et puis Pierre, hein, bien sûr, c'est ça, hein, Bruno c'est et Pierre. Bernard. Ah, Bernard. Bruno. Pourquoi je dis Bruno, c'est moi, bien en fait? Tu l'appelles Bruno parce que peut-être que ça va lui. Bernard et Pierre. Idée de sketch. Non, mais les Bruno, ça m'est resté un petit peu dans la tête comme ça. Tu vois, je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Mais bon, je laisse pas ça. Ah, voilà. Bah, merci à vous. Merci, Mika. Merci à Marcus qui est merci, au son. Oui, bien sûr, pour oui. Le concert. Merci Marc pour le son. Et puis, okay. Et puis à bientôt. À vous qui écoutez, que vous pouvez encore nous rejoindre aux 8 places de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont pour assister cette fois-ci au spectacle du duo des Moretos. Je le disais, hein, c'est un papa et son fiston. C'est une jolie histoire de les retrouver ensemble pour ce one-man show. Bernard, si tu veux prendre place, oui, à la place de Gilou. Comme on dit, la place est chaude, certainement. Et puis, Pierre, tu peux aussi aller... à côté de Bernard, juste là, en attendant que vous proposiez ce spectacle, on va pouvoir quand même vous présenter. Tu peux te mettre à côté, là, il y a un micro, on va ouvrir pour toi ce micro. Le numéro 5, hein, vous qui êtes chez vous, peut-être vous vous demandez pourquoi je donne des numéros. Eh bien, c'est parce que ici dans ce studio, nous avons des micros numérotés, vous pouvez le voir, vous qui êtes ici. Madame, vous avez le numéro à regarder sur le côté. Ah bah trois, si je vous le vois pas. Ah bah voilà, le 3, c'est ça. 3. Ah oui. Donc, tu vas Pierre, tu es là, c'est la première fois que tu viens dans ce studio ? La deuxième. La deuxième fois, oui. Ah bah c'était pas avec moi la première fois. Je sais que... Si, si. Ouais. Ah bah je t'ai oublié, bah c'est bien, je suis sympa. Ah oui, non, non, je sais pourquoi. Parce que t'es venu visiter... ici, c'est ça. Mais tu n'as pas participé à une émission. Exactement. Ah, ça compte pas. Hein. Moi, je ne compte que ceux qui participent aux émissions. Ça sera ta première. Alors, émission, pas vraiment, puisque là, ça va être une simple présentation. Puis après, vous proposerez ce spectacle. Alors, on le disait avec Gilou, vous faites des concerts privés, enfin des concerts, des spectacles à la maison. À la maison, théâtre à domicile pour les assos, les associations caritatives, des petits spectacles en salle, dans des fermes auberges, c'est varié. Et si les gens, hein, puisque je parlais de contact tout à l'heure avec Gilou, si on a envie de vous joindre, il y a un site internet, on tape le duo des Moretos et on tombe tout de suite sur le site que vous avez créé sur wordpress.com. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, si on tape directement le duo des Moretos, on a quelques petites informations avec... Oui, avec le site internet, voilà, ouais, directement. Et alors, en plus de ce contact, on peut voir quelques articles de presse, puisque peut-être que vous, ici, autour de cette table, dans le public, vous avez déjà vu Bernard et Pierre. Est-ce que c'est le cas? Non? Oui? Non. Monsieur, vous le, ah bah, si vous voulez prendre le micro et nous dire où vous l'avez vu, Pierre, enfin, vous avez vu le duo Pierre et bah, ce micro-là, en face de Sylvie, voilà, on va... Oui. Ah oui, alors si on ouvre, forcément ça va faire de l'écho. Vous l'avez vu où ce duo, le duo des Moretos? À Cornimont. À l'espace Pronzière? De la Pronzière? C'était à l'espace de la Pronzière? Ouais, ouais. Et qu'en avez-vous pensé? Alors là, vous pouvez pas dire de mal. C'est sympathique, on participe. C'était une découverte ou vous les connaissiez? Oh, on les connaît depuis très longtemps. Ah, vous êtes des amis? Voilà. Ah bah ça aide. Et qu'est-ce que, alors, quand on dit c'est sympathique précisément, il y a des points qui vous ont plu, qui vous plaisent en tout cas chez ce duo? Bah oui, parce que ce que raconte Bernard, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ce qu'il raconte. Bernard, on se reconnaît dans ce que tu proposes dans les sketchs, pour quelle raison? Parce que c'est la vie, c'est la vie comme elle va. Tout à l'heure, en venant, cette charmante personne me dit « Oh là là, vous êtes mieux que sur le site ». Elle m'a bien regardé, ben j'ai dit « Oui ». Ça m'a fait plaisir, vous voyez, ça m'a fait plaisir. J'ai dit « Enfin, quelqu'un qui me trouve réussi ». Parce que d'habitude, on dit « Moretti, il est raté ». Donc, je vous remercie pour ce compliment que vous avez fait. Donc, je raconte un petit peu ça, on essaie de raconter la vie comme elle va. Je l'expliquais, moi je trouve ça super chouette, j'imagine ne pas être le seul, un papa et son fils pour un spectacle. Comment c'est venu? Moi je sais que Bernard, avant, enfin il y a quelques années encore, tu étais seul sur scène. Comment s'est intégré Pierre? Et puis il nous dira lui comment il a vécu, mais c'est une demande de qui, duquel des deux? Alors Pierre, je vais lui laisser la parole, mais les choses sont faites naturellement, puisque Pierre danse et joue de la flûte traversière. Donc à un moment, ben, il y a 2 ans, je lui ai posé la question s'il voulait s'intégrer dans le duo. Ça a mené du romantisme, ça coupait le rythme du one-man show, ça a mené une note tout à fait différente, sympa, puis on a intégré d'autres choses qu'on pourra pas montrer ici, le mime, le côté un petit peu déjanté du duo, ouais, avec des pas de danse. Donc c'est grâce à l'apport de Pierre. Hein. Pierre, tu as déjà vu... ton papa sur scène avant? Oui, plusieurs fois. C'était, oui. C'était quoi ton regard sur Bernard? Bah, étant donné que j'étais assez petit, je me rendais pas trop compte, mais c'est vrai que il y a 3 ans, enfin moi j'ai regardé, je me suis dit que ce serait bien qu'on forme un petit duo aussi, quoi. Enfin j'étais d'accord, et puis en fait c'est quand j'ai commencé à jouer de la flûte traversière, mon père il m'a proposé, et puis petit à petit, donc au début je commençais avec la flûte traversière, et après on a rajouté du mime et un petit peu de jeu de scène, voilà. On l'expliquait bien sûr ce soir, enfin oui on peut dire ce soir, oui 17h50 sur les ondes de Radio Gameozo, il n'y aura pas de mime, hein, puisque c'est radiophonique. C'est complexe, même s'il y a des gens ici, mais vous qui nous écoutez, vous seriez lésés. Donc, on veut que tout le monde puisse. Mais Mika, pour montrer notre évolution, on voulait faire du mime, mais du mime non visuel, c'est toujours difficile. C'est en cela qu'on est véritablement marqué par ce que l'on fait. Mais il y a quand même. Du mime à la radio. Ouais, vous avez quand même la tenue de scène, là. Oui, parce que, justement, tu nous as demandé de venir avec la tenue de scène. Oui, pour les gens qui sont ici. Ah ouais, parce que sinon, je vais être obligé de parler pour ne rien dire. Si, mais les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Peut-être que dans ce que tu dis là, on peut s'apercevoir. Est-ce que vous qui êtes ici, vous vous rendez compte, est-ce qu'il y a des références qui vous parlent d'un... Oui, madame? Viens de dire, là, Alors attendez, à chaque fois je vous donne la parole. C'est peut-être un peu du De Vos, je ne sais pas trop, voilà, hein, parce que du De Vos, c'est ce qu'il vient de dire là. Oui. Voilà, alors justement, Gilou parle de la Belgique, hein, j'étais un fervent admirateur de Raymond De Vos, puisque j'ai vu pratiquement pas tous ses spectacles, 7 ou 8 spectacles, dont le premier dans les années 74. Je suis littéralement, d'ailleurs j'ai un peu le même gabarit. Hein, vous avez le même accent. Et le même accent. Donc je suis littéralement tombé amoureux très rapidement. Bon, la première salle que j'ai vue, c'était en 1974 à Montauban, c'était une salle de cinéma. Il y avait 400 places, et il y avait 50 personnes à l'époque, pas plus. Et il est arrivé sur scène avec un atchoum. Il était très enrhumé. Il est arrivé devant nous, c'était merveilleux. Il était dans une petite série. Ensuite, je suis allé le voir, on a discuté, et je me suis dit, j'aurais envie de faire du De Vos. Donc, j'avais commencé par 4-5 sketchs, comme ça, sur scène. Et puis, depuis, j'ai étayé avec mon gabarit, qui se rapproche plus de Charlie Chaplin. C'est pour ça que l'on fait du mime, tout en reprenant du De Vos. Pierre, comment tu vis, toi, ce duo avec ton père? Comment ça se passe, ces spectacles que vous proposez? Alors, on a parlé de spectacles à domicile, mais il y a eu aussi un moment, je sais, au Centre culturel de Remiremont, il y a eu des salles aussi comme ça. Comment, toi, tu vis tout ça? C'est assez sympathique. Bon, c'est vrai qu'on a voulu plutôt commencer par des petites, enfin plutôt à domicile, mais bon, on préfère quand même un petit peu plus à domicile, parce que c'est plus convivial, on peut plus parler avec les gens. Et puis papa, il a plutôt tendance à jouer avec le public. Et puis c'est une belle expérience. Tu prends du plaisir? Ah bah oui, bien sûr. Puisque partager ça en famille, j'imagine que ça doit être très fort. Hein. C'est pas comme un autre duo où ça serait avec quelqu'un qu'on ne connaît pas aussi parfaitement. Là, il y a du sens. C'est sûr qu'en plus, ça nous rapproche, ça crée de la complicité. Dans votre vie de tous les jours aussi, c'est-à-dire que ce que vous vivez sur scène, tu trouves que ça t'apporte aussi dans la relation père-fils? Oui, parce que des fois, on se resserre du spectacle pour rigoler de temps en temps. Voilà, parce que bon, on rigole un peu tout le temps. Hein, avec, on rigole de nos grands ratés. Voilà. Et comme ils sont plus nombreux que nos réussites, à part à domicile, puisque cet été, on a entamé une tournée dans le Sud-Ouest, de 6-7 spectacles dans des endroits aussi différents que des pizzerias, camping, à domicile, et on a eu des retours un peu comme le vôtre, hein, puisque parfois il y a eu un metteur en scène de la région toulousaine qui nous a donné des retours très très pointus sur le mime notamment. Donc on est en apprentissage, en mouvement, voilà, c'est la vie comme elle va, ce dont on va parler un petit peu ce soir. C'est le nom de votre spectacle? C'est le titre du spectacle, La vie comme elle va. Si vous allez sur internet, c'est Jean-Henri Meunier qui a fait un film à Véronée avec des personnages totalement atypiques, et j'ai repris, après lui avoir demandé si je pouvais l'exploiter, La vie comme elle va, avec des hauts, des bas, la vie de saltimbanque, de troubadour, ce que l'on connaît, nous, à domicile, où on se trouve parfois dans... Pas à domicile, mais parfois dans des restaurants, dans des grandes galères, ou au centre culturel, la dernière fois, une chose très spécifique, et on raconte tout ça. Ah, on veut savoir, Pierre, hein, quelle est cette chose spécifique? Pardon, Michael. Bah, tu as parlé d'une chose spécifique. Oui, au centre culturel, qui était tout à fait. Il y avait 300 personnes, et il y avait des personnes âgées, et ensuite il y avait des adultes de 25-35 ans, et puis il y avait des enfants. Et simplement, peu avant le spectacle, on nous a dit, ben voilà, il faut faire un spectacle qui corresponde à ces trois publics. Oui, un petit peu, on s'est retrouvé devant une situation que l'on n'avait jamais connue, excessivement périlleuse. Et c'était intéressant, puisque ceux qui vous avaient fait venir, c'était l'amicale du centre hospitalier. C'est ça, il y avait 300 personnes, c'était des hospitaliers. Et on a fini sur une civière. Complètement raide. Est-ce que ce que je trouve pour l'infirmier. Si vous voulez prendre la parole, ça sera dans le micro. N'hésitez pas à réagir, mais il faut juste prendre le micro que les gens qui écoutent puissent bien entendre, sinon ils n'entendront que un silence, puis Bernard, puis un silence. Là, ça sera aussi un sketch, mais le spectacle ne sera pas commencé. Bernard, oui, je disais que c'était intéressant le fait que ça soit le centre hospitalier qui fasse appel à vous, puisque tout à l'heure on parlait de spectacle à domicile, ok, mais tout un chacun peut vous faire venir, et aussi des associations, par exemple. Ben voilà, spectacle à domicile, bon, depuis 2 ans, nous fonctionnons à peu près 14 ou 15 spectacles à domicile. C'est du théâtre à domicile, ce sont des particuliers, un couple de profs, des retraités, des agriculteurs qui invitent 20, 30, 40, 50 personnes. Il y a une grande collation qui s'effectue en fin de spectacle, un petit pot, on discute et puis le spectacle est parti, comme ça, avec une ambiance comme ce soir. C'est exactement ça, le théâtre à domicile, avec 20 ou 30 personnes de plus. Ce sont des échanges, en même temps très professionnels, c'est très sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Et puis après, c'est une collation, voilà. Et on va repartir dans le sud-ouest cet été. On va se produire dans un village, sous forme de théâtre à domicile, dans une grande salle des fêtes. Et puis, chez des agriculteurs, dans un hameau, il va y avoir 40 ou 50 personnes. Voilà le théâtre à domicile. Vous donc, comprenez la formule. Pourquoi Bernard parle du sud-ouest, endroit dans lequel il va assez fréquemment, en tout cas l'été, puisque c'est ton territoire de naissance, et puis tu y as vécu très longtemps. Ben, j'ai vécu 55 ans, voilà. Je me suis marié avec une Vosgienne. On a fait un petit garçon. J'étais implanté dans les Vosges, et puis à un moment, elle m'a dit, tiens, on va repartir dans les Vosges. J'ai dit, mince alors. Avec moi? Ben oui, avec moi. Et puis quand on est arrivé, ben elle a dit, peut-être, je vais aller voir un ami, et puis elle est partie de l'autre côté de la France. Et puis, avec elle, ça a été le principe des vases non communicants. C'est-à-dire que c'est le principe de l'écho, vous savez, le seul qui peut avoir le dernier mot avec les femmes, c'est l'écho. Hein. C'est Jean Cocteau qui a dit ça, hein, c'est pas moi. Hein. Ça lui a pas porté chance, parce que il est mort que le même jour qu'Edith Piaf. C'est-à-dire qu'on a parlé que d'elle. Une fois de plus, c'est pas de lui. Enfin, on n'avait pas les mêmes goûts, hein, avec ma femme. Elle dormait la fenêtre ouverte et moi je dormais la fenêtre fermée. Alors je me levais pour ouvrir la fenêtre et puis elle se levait pour fermer la fenêtre. Alors je me relevais pour ouvrir la fenêtre. Elle se relevait pour fermer la fenêtre. Et puis après, je me relevais pour ouvrir la fenêtre. Et puis alors là, elle comprenait que j'étais le plus grand, le plus fort. Elle venait se blottir contre moi. Elle me ronronnait, elle roucoulait. Et j'allais vite fermer la fenêtre pour pas que les voisins entendent. Vous savez, le soir, hein, après le spectacle, là, quand j'arrivais chez moi, fatigué, harassé, j'arrivais à la maison, ma femme me disait, t'es Bernard, t'es là, enfin, tu vas faire la vaisselle. Moi, quand j'entends ça, je fous le camp à ma cuisine, je mets mon tablier, je fais la vaisselle, ça me calme. C'est pas vrai, Pierre, hein? Mais au fait, tu nous... On s'est pas présenté. Mais on s'est pas présenté. Le duo des Moretos, c'est un duo autodidacte. C'est un duo qui s'est fait tout seul. Et qui s'est raté. Mais ça ne serait pas aperçu. Mais il faut dire que ce duo, lorsqu'il se faisait, on voyait bien qu'il se faisait mal. Mais comme chaque fois qu'il se faisait mal, les gens disaient... C'est bien fait. Il a continué à mal faire, en croyant bien faire, et il est arrivé dans l'état dans lequel vous nous voyez. Alors pour Pierre, on va dire, ben lui, il est temps de venir. Mais pour moi, on a l'habitude de dire, ben lui, il n'est pas fini. C'est pas vrai, madame, d'ailleurs, c'est ce que vous pensez, hein. C'est un fou de l'os, il n'est pas fini. Ben, vous avez rien dit, mais rien que de vous voir, je comprends ce que vous voulez dire. Mais ben, je préfère, hein, parce que non, mais fini, il est au ras des pâquerettes, il est râpé. Vous, madame, je vous remercie, en arrière, vous êtes mieux qu'en réalité. Merci. Et là, je me suis reconnu. Ouais, non, mais fini, il est au ras des pâquerettes, tandis que moi, ben, je suis inachevé. Inachevé, comme cette petite symphonie que l'on va avoir l'honneur de vous interpréter. Et d'habitude, quand on est là, on applaudit. Ah, mais Gilou, vous l'applaudissez. On dit que moi, je suis obligé de demander les applaudissements. Bon, alors. Ouais, je sais, là, c'est du divorce, mais tant pis, je vais le faire aujourd'hui. Je peux pas m'en empêcher. Aujourd'hui, ça va. Moi, je suis content, je suis ici, je vois que des sourires, des gens qui m'aiment, des amis, je suis content. Mais qu'est-ce que j'ai... Ouais, mais qu'est-ce que j'ai comme souci en ce moment? Enfin, j'ai payé mes dernières factures, mes impôts, toutes les quittances. Je sais pas comment je vais faire pour finir le mois. Enfin, ça va, on est dans les Vosges, il y a du soleil. Il n'y a pas eu un rayon de soleil depuis le début de novembre. Enfin, il y a du soleil dans les cœurs. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie partout. Vous savez pas chanter? Il y a de la joie partout? Il y a de la joie. Ben voilà, on le dirait pas. Mais il y a de la tristesse partout. Vous voyez le monsieur là-bas en venant que je connais, regardez, qui est livide comme moi. J'ai rencontré votre prénom déjà. Oui. Ouais, Frédéric, je le connais, Frédéric. Je l'ai vu, livide, en venant, il m'a dit, vous savez pas, mon pauvre monsieur, ma femme m'a quitté. Oh. Et Frédéric, quand j'ai entendu ça, la mienne aussi. Elle est partie sans un mot, ouais. À peine arrivée dans les Vosges. Hein. Vous pouvez pas savoir ce que ça m'a fait, hein. Vous allez penser que je suis un pleurnichard, hein. Moi, je suis plutôt un rigolard, hein. Bon, l'autre jour, j'étais dans la rue, comme ça. Je vois une femme, un petit peu comme vous, la chère madame, qui me trouvait beau, exceptionnellement. Oui, je vous remercie. Alors ça m'a marqué, hein. Je vois. Elle avait un grand chapeau sur la tête, comme le vôtre, là, vous êtes arrivé, avec une grande plume. Alors, j'ai pris ma paire de ciseaux, et raf! J'ai coupé la plume. Si vous aviez vu la tête de la dame. Humilié. Pas humilié. Bah, vous pouvez pas savoir ce que ça m'a fait. Enfin, la tête de la dame, c'était pas rien. Ah. Ça m'a fait penser à mon, vous avez, il y en a que ceux qui me connaissent, mon meilleur copain, Francis. Il est mort. Ah, ben lui, il voulait toujours aller au bal, et puis c'était le roi de l'accordéon, hein. Mais moi, j'ai horreur de l'accordéon. Ah, ben ça me fout le cafard, hein. Alors lui, il chantait toujours « L'accordéon, c'est le piano du pauvre, le piano du pauvre se pend autour du cou. » Il s'est pendu. Et il se moquait toujours de moi, parce qu'il y avait un oncle qui jouait de la cornemuse. Il est mort aussi. En soufflant, il devenait tout rouge, et comme il n'avait pas de veines, elles ont éclaté. Je ris, parce que tous les jours en sortant de chez moi, en fait tout à l'heure en sortant de chez moi, mon voisin, Pierre, il arrive devant moi, avec un grand pansement autour de la tête, vous voyez, comme ça. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, Pierre? Il me dit, c'est un accident de chasse. Je dis, un tyran. Il me dit, oui, en tirant la chasse, le réservoir m'est tombé sur la tête. Non, je ris parce que j'entends Martine, là-bas, qui dit, ce mon Réti, je le vois tous les jours à la gym, mais il a l'air complètement idiot. Est-ce que tu sais? Ouais. Eh, c'est vrai, d'ailleurs. Non, c'est vrai. Allez, pour vous laisser sur une bonne impression, viens... Pierre, tu vas nous jouer en baïa. Ah, la flûte traversière. Et tu reviens ici, et vite. Et vite! Ne me laisse pas seul. Hein. Parce que nous, on est marqués, hein. Le couple est marqué. Hein. Quand il en manque un, c'est comme s'il manquait les deux. Hein. Et puis, ici, il n'y a que des gens intelligents. Hein. Tu as remarqué, Pierre, il n'y a que des gens intelligents. Moi, je me méfie des gens intelligents. Tu peux venir, là, Pierre. Ouais, alors là, il me fout toujours en l'air. Mais Pierre, non, tu te décales. Ah, je me décale. Je me mets là. Mais on n'a pas fait la balance, là. Si, c'est... Si, ah bah, d'accord. Je me méfie des gens intelligents. Hein. Tu as vu, Pierre, il n'y a que des gens intelligents. Moi, les gens intelligents, ça me fait peur. J'aime que les regards d'enfants. Ben, ce sont des merveilleux regards. L'autre jour, nous étions entre gens de même regard. Comme vous, monsieur, que des candides. Alors nous nous regardions dans le blanc des yeux, chère madame. Oh, on se regardait dans le blanc des yeux, on était aux anges. et un type comme vous est rentré avec un regard intelligent qui l'a braqué sur nous. Ah, pourtant vous y ressemblez. Et pourtant vous avez l'air. Alors c'était comme une agression. Alors nous, on se regardait dans le blanc des yeux, on était aux anges. Et ce type, avec son regard intelligent qui s'immisçait dans notre naïveté. Alors, on l'a regardé avec des yeux tout ronds. Intelligent comme il était, il a dit « Excusez-moi, j'ai oublié mes lunettes, il est parti. » Alors nous sommes tous regardés et au fond de nos yeux étonnés, mesdames et messieurs, il y avait comme une petite lueur d'intelligence. Sampaya. Ouais, tu passes, Pierre, passe. Non, mais là, on est marqué, hein. Mika, on est marqué. Ouais, je sais, hein, Devos, lui, Devos, il avait pas l'accent belge, il avait un accent qui était propre. Moi, quand je parle, on dit, ouais, c'est un mec qui vient du sud, il raconte que des bêtises. C'est, vous savez, ces gens à l'accent rocailleux, ils parlent pour ne rien dire. Je sais, ils parlent. Bah, d'ailleurs, écoutez, bah, je vais parler pour ne rien dire. Tu me donnes 2 minutes, Michael? Tu me donnes 2 minutes, je vais parler pour ne rien dire. Ouais, je sais. Vous pensez, Frédéric, vous aussi, avec ce qu'il a dit sur sa femme. Je sais, vous êtes avec une très belle femme, mais tant pis, hein, j'avais besoin de vous pour faire ce sketch. Bon, vous pensez, s'il a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Donc vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux. C'est ça, madame? Non, mais ça serait trop facile, hein. Et vous-même, mesdames et messieurs, si vous avez rien à dire, on en parle, on en discute. Je suis pas un ennemi du colloque. Mais de quoi est-ce qu'on va parler si on n'a rien à dire? Ben de rien. De rien, car rien, ce n'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale? Rien. Non, moins que rien. Mais ben, si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose, chère demoiselle. D'ailleurs, on peut lui multiplier. Vous allez m'aider. Comment est-ce que vous appelez, mademoiselle? Justine. Elle a un regard intelligent, Justine. Justine, il faut enlever ses lunettes. Je veux voir ton regard intelligent parce qu'on va faire une multiplication. Multiplions. Rien multiplié par rien, ça fait? Ouais, ça fait rien. 2 fois rien? Oh, c'est pas beaucoup. 3 fois rien? Oh, c'est pas encore pas grand chose. Mais tu sais qu'on peut acheter quelque chose pour 3 fois rien. Bon, maintenant, multiplions 3 fois rien par 3 fois rien. Rien multiplié par rien, ça fait? Elle est toujours sur le rien. Rien multiplié par rien, ça fait? C'est ça. Et 3 multiplié par 3, ça fait? Qui c'est qui peut lui souffler? 9. Exactement, ça fait rien de 9. C'est pas la peine d'en parler. Ah, bravo. Bon. Alors. Donc les gens sont marqués par ce qu'ils font. Mais je les vois. Là. Les... Lui, il est marqué. Vous savez ce qu'il vient de nous faire, hein? Un citron pressé. Vous avez compris, hein? Il vient de nous faire un citron pressé. Parce qu'il est marqué. Par son prof de solfège. Il lui demande de jouer plus vite que la musique. Il faut aller vite aujourd'hui. Moi, quand je fais mon sketch en temps de crise, je dis plus qu'un mot sur deux. Par exemple, quand on me demande si ça va au lieu de répondre très bien, je réponds très. Et le bien qui me reste, je cours vite le déposer à la banque. Mais il y en a un plus malin que les autres qui me dit, oui, mais si vous dites un mot sur deux, on comprend rien. Ben, je dis, oui, je fais un sketch alimentaire, c'est-à-dire je fais un sketch haché. Mon meilleur copain, qui jouait de l'accordéon, il était autostoppeur professionnel. On n'en voit plus des autostoppeurs. Autostoppeur professionnel! Il a eu un accident de travail, hein. Il a perdu le pouce. Il peut encore aller par là. Hein. Enfin, il est à 2 doigts de la retraite. En parlant de retraite, où il est Gilou? Il est resté Gilou, non? Moi, on m'a dit, vous, Moretti, vous ne vieillissez pas. Bah non. Bah non. Vous savez pourquoi? Bah parce que j'ai arrêté. Non, mais j'ai arrêté du jour au lendemain, hein. Et vous trépignez, chère mademoiselle, en me regardant? Alors moi, je vois quelqu'un qui trépigne, cher Frédéric, ça me donne des envies de rajeunir. Mais vous ne vieillissez pas. Mais l'autre jour, en me regardant dans la glace, j'ai vu que j'avais pris 10 ans. Je me suis dit, il faudrait pas en prendre pour 20 ans. Hein. Mais de temps en temps, quand on m'observe pas, je prends un petit coup de vieux. À la cave. Mais je voudrais pas faire comme mon voisin. Hein. Il n'a pas pu s'empêcher de vieillir. Hein. Ben, il est mort. Hein. Les gens qui sont marqués, là, je prends le micro, parce que là, vous pouvez m'aider. Vous savez faire un bon fou rire, c'est pas facile, hein. Je l'ai appris ça avec DeVos. Il faut jouer avec les muscles abdominaux qui vont se contracter d'une manière spasmodique. Par exemple, ce type, il regardait la marée. Et il descendait avec la marée, ça donnait ça. Aidez-moi. Pierre! Ah! Il descendait avec la marée, pas trop fort. Et il remontait avec la marée. Ah! Ah! Ah! Mais j'ai dit, mais pourquoi riez-vous? Il me dit, c'est le flux et le reflux. Mais j'ai dit, quoi, le flux et le reflux? Il me dit, le flux et le reflux me font marrer. Bon, ça vaut l'applaudissement, ça. Ah, oui. Non, mais on pourrait en pousser des cris d'alarme avec les gens qui sont marqués. Dans les années, Gilou, vous parliez des années 70, vous avez raison, c'était le romantisme. Oh, c'était beau. Mais vous savez que les Russes, à ce moment-là, ils avaient inventé l'antimatière. L'antimatière! Vous savez ce que c'est, vous, l'antimatière? L'antimatière, c'est le contraire de la matière. C'est-à-dire, si Mika, il ferme tout et que tout est noir, c'est un gros trou noir avec rien autour. Non, mais chaque chose a son anti. Vous savez qu'un muet, c'est un anti-parlementaire. Hein. Et un athée, c'est un anti-moine. Hein. Et un moine, c'est un antiseptique. Hein. Et les Arabes du Caire sont antisémites et les sémites sont antiquaires. Alors ça, quand on disait ça dans les années 70, ça allait, quand Raymond Devos le disait. Mais si vous le dites aujourd'hui, ben, il fait du racisme. Voilà. Et c'est pas vrai, c'est un raciste. Moi, c'est sûr, mais je le sais, moi j'ai un copain, il est xénophobe, il peut pas voir les étrangers, il peut pas les supporter, si bien que quand il va dans leur pays, il peut plus supporter. Mais moi, sur scène, parfois on dit « il fait du racisme », Frédéric, il va dire « il fait du racisme », il me fait un aparté, c'est-à-dire je parle à Frédéric, ou à sa tendre compagne. Je vois pas en quoi, quand je dis « Frédéric, vous aviez la pâleur mortelle, comme moi, je fais du racisme », si je dis « bon, tiens, voilà un Turc », bon, mais si je dis « tiens, voilà truc », est-ce que je fais du racisme? Est-ce que je fais du racisme? Eh bien, si je dis « tiens-moi la truc », il y aura toujours quelqu'un que vous dire. S'il a dit « tiens-moi la truc », c'est parce qu'il se venait plus du nom du Turc. La nature est bien faite. Je connaissais un ancien officier qui avait perdu son bras droit. Ah, c'était le bras gauche de le lieutenant. Vous savez comment ça... Il me dit, vous pouvez le savoir, monsieur Moretti, que la nature est bien faite. Alors, j'étais au front, comme ça, avec la main dans la poche, et il y a un obus qui a éclaté et qui m'a emporté le bras. Il m'a dit, vous pouvez pas savoir ce que c'est dur d'enlever la main de sa poche sans son bras. Non, la nature est bien faite. Allez. Cher ami, qui êtes un petit peu comme moi, un peu politisé, je fais pas de politique, vous savez que je me suis présenté avec Huguelaine. J'ai représenté la gauche à Remiremont. Vous croyez que j'ai gagné? J'ai fait 5%. 5% des votants, hein. Non, ça fait 2% de personnes qui ont parlé, qui ont voté pour moi. C'est-à-dire les 2 ou 3 personnes qui viennent de me voir un spectacle, d'habitude. Alors, Huguelaine m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer du monde? Alors j'ai dit, on va faire comme ici, là. Comme ici, on va réunir les personnes et on va faire des réunions publiques, clandestines. Vous avez déjà vu ça, vous? Non, Frédéric, il me dit, jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, une réunion publique clandestine. Et je m'occupe des minorités agissantes. Et au cours d'une de ces réunions, alors que j'exposais mon programme, je distinguais tout à côté de moi quelqu'un comme ce monsieur, au regard intelligent, qui ne disait rien et qui m'observait. Alors, je ne sais pas ce que vous avez remarqué dans une réunion, quand tout le monde parle, ou tout le monde rit, et qu'il y a quelqu'un qui ne dit rien et qui ne rit pas, on n'entend plus, on ne voit plus que lui. La preuve. Alors, j'en continuais pas moins mon exposé, mais de temps en temps, je me tournais vers le monsieur pour savoir ce qu'il en pensait. Vous n'êtes pas obligé de me regarder. Ouais. Mais comment savoir ce que pense quelqu'un qui ne dit rien, comme ce monsieur, et qui en plus écoute? Alors, je me suis levé, je lui ai dit, puisque la majorité de la minorité semble d'accord avec mes idées, alors tout le monde s'est levé, ils ont dit, nous serions plutôt de l'idée et de l'avis de ce monsieur qui n'a rien dit. Ils ont tous quitté la salle, à l'exception de ce monsieur. Alors, resté seul avec lui, je suis allé vers ce monsieur, là je peux pas me déplacer, mais je l'aurais fait, hein. Je suis arrivé vers vous, et je lui ai dit, alors chapeau. Chapeau, vous pouvez mettre des sous après. Chapeau, hein. Oui, d'accord. Le même, j'en plus. Alors moi, cher monsieur, j'ai parlé pendant une heure. Ils ne m'ont pas entendu et vous, vous avez rien dit. Ils vous ont écouté. Chapeau. Alors le monsieur a sorti une petite fiche comme ceci de sa poche et un stylo. Il a écrit quelques mots. Hop, il me l'a tendu. J'y ai lu. Bien que sourd et muet, je suis entièrement d'accord avec vos idées. Attendez, bah depuis je m'occupe plus que de la majorité silencieuse. Oh. Bah écoutez, il n'y a pas du soleil, mais la vie est belle et Pierre il va nous jouer donc jour de printemps. Alors bien sûr, ça normalement on le mime, mais il nous faut de la place. Parce que moi je mime quelqu'un qui ne fait rien. Ce qui n'est pas simple. Hein. C'est-à-dire je reste sur place. Alors les gens disent mais qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est pas facile, comme je fais rien, ils disent qu'est-ce qu'il est venu faire? Alors on dit rien du tout. Alors pire, tu vas jouer jour de printemps pour remettre un peu de gaieté. Et après j'enchaînerai avec, tu sais quoi? Ouais. Hé, hey, papa. Ouais. Tu pourrais pas nous chanter les chansons que tu chantes pas? Il est là, Gilou. Il y a, je crains. Non seulement j'entends pas, mais en plus je chante faux. Vous voulez bien que je chante pour une première? Oui. Enfin, vous êtes une admiratrice. Oui. Vous m'avez trouvé plus beau que dans la réalité. Très bien, vous m'avez pris en photo. Mais je suis pas bien sur les photos. Il est dans la réalité. Frédéric, je vais chanter. Comment s'appelle votre tendre compagne? C'est pas. C'est pas la compagne. Je sais pas, je crois pas. Elle s'appelle Lou. Lou, voilà un très beau prénom. Lou, je vais chanter pour vous et pour les autres. Et je vais chanter ma... C'est la seule chanson que je chante, Lou. Ça s'intitule Pas de Java. C'est pour vous dire que ça n'a pas beaucoup de prétention. Hein. Pas de Java. Quand tu danses la Java, tes jambes sont si courtes que c'est comme une Ah! Et vous avez vu, moi j'ai une chance inouïe d'avoir quelqu'un qui mime ma courtesse de jambes. C'est-à-dire que pour une fois, il y a un monsieur qui regarde si j'ai les jambes plus courtes. Ça, c'est du mime. Et là, chapeau, s'il y avait des spectateurs qui regardent la hauteur de mes jambes au moment où je dis les jambes sont si courtes, ce serait un one-man show visuel terriblement réussi. Rien que pour vous, je la reprends. Bon. Quand tu danses la Java, tes jambes sont si courtes que c'est comme une plaisanterie, les plus courtes sont toujours les meilleures. Elle est pas terrible, hein? Ça, c'est une des plus courtes que j'ai fait. Bah, si vous insistez, je peux vous en chanter une autre. Oui. Ouais, il y a une personne qui me le demande. Très bien. Si vous insistez, je peux vous en chanter une autre. Oui. Ah, puisque je vois que vous insistez. Souvenir de vacances. Souvenir de vacances. Ah, quel été, quel été. Hop. La mouette, la mouette. Ah oui, excusez-moi. Quand vous êtes dans les Vosges et que vous avez souvenir, si vous faites pas ça, vous pouvez pas avoir. Vous pouvez pas faire souvenir de vacances. Donc ça, c'est indispensable. Oh, bien, pendant que je fais ça. Alors, souvenir de vacances. Ah, quel été, quel été, quel été. La petite amie avec laquelle j'étais, on sentait bien que l'hiver était proche. On se baignait les deux mains dans les poches. La petite amie avec laquelle j'étais, ah, quelle était, quelle était, quelle était, quelle était moche. Oh, tu attends pas ça. Elle est pas terrible, hein. Ah si, excellent. Ah, si elle est moche, elle peut pas être terrible. Oh. Excusez-moi, votre prénom. Jacques. Bon, Jacques, un papier. Il faut que je note ça. Si elle est moche, elle n'est pas terrible. Tu me le notes. Tu me le notes. Si elle est moche, vous me le notez. Parce que moi, je note tout. J'ai un copain qui m'envoie toutes ses vannes. Il me dit, quand il y a une poule qui couve la grippe, parle-en. Et quand les éléphants sont tués pour leur défense. Donc, j'ai toute une liste comme ça. Alors, je vais vous en chanter une autre. C'est Conseil d'une Andalouse à son jardinier. Rien que le titre est décourageant. Conseil d'une Andalouse à son jardinier. Vous finirez mal, disait l'Andalouse à son jardinier imberbe. Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe. Oh, je te remercie, Mika. Du coup, comme Mika est venu, je vais vous chanter Dernier soupir. C'est très rapide, Dernier soupir. Elle était si discrète qu'après avoir rendu son tout dernier soupir, Vous avez vu mes jambes? Elle en rendit un tout dernier que personne n'entendit. Pas terrible, hein, vous? Ah, mais pour vous, je vais faire un tango. Un tango pour toutes ces dames qui sourient. Un tango intitulé « Se coucher tard ». Vous pourrez reprendre avec moi comme avec Gilou. « Se coucher tard ». « Se coucher tard, 3, 4 nuits ».« Se coucher tard, 3, 4 nuits ». Oh, le chapeau. Alors là, écoutez. Écoutez, parce que là, je vois que c'est un des meilleurs publics que j'ai pu avoir. Vous dites, il n'a pas eu de très bon public jusque-là. Du coup, on va faire un dernier soupir ensemble. Donc, elle était si discrète qu'après avoir rendu un tout dernier soupir, elle en rendit un tout dernier que personne n'entendit. Donc, j'aimerais qu'on rende un dernier soupir avec vous. Ils étaient si discrets qu'après avoir rendu un tout dernier soupir... Oh! Oh! Ah, mais vous rendez des bons derniers soupirs, vous. Ils en rendirent un tout dernier que personne n'entendit. Donc, se coucher tard. Se coucher tard, 3, 4 nuits. Alors ça, c'est la plus courte que j'ai jamais écrite. Hein. Ce qui est intéressant, quand vous faites une chanson qui est courte, c'est qu'on peut la répéter autant qu'on le veut. À l'infini. Se coucher tard, 3, 4 nuits. On peut pas faire plus concis. Enfin, plus concis. 3, 4 nuits. Non, mais parce que c'est pas facile de faire des choses resserrées. J'avais écrit un quatrain sur un mouton à 5 pattes. Il y avait toujours un pied de trop. Finalement, je m'en suis sorti. Le mouton à 5 pattes s'est encaché une patte, il put marcher normalement. Et puis, on a une petite dernière que l'on pourrait chanter avec mon fiston, intitulée « Y a pas de papa ». Ça a été chanté par un chanteur de la région toulousaine, à l'accent rocailleux, vous voyez un peu, qui est mort dans les années 80, qui a fait les beaux jours dans la ville rose, que l'on a entendu sur toutes les scènes. Nougaro. Exactement. Nougaro. Et on va reprendre cette chanson-là. Il n'y a pas de... Papa. Presto. Presto. Andiamo. C'est parti. Papa. Il n'y a pas de papa. Il n'y a pas de papa. Papa, y a pas. Papa, y a pas. Y a pas de papa. Y a pas de papa. Y a pas de papa. Y a pas de papa. Y a pas de papa. Y a pas de papa. Papa, y a pas. Y a pas de papa. Y a pas de papa. Papa. Y a pas de papa. Papa, y a pas de papa. Y a pas de papa. Y a pas de papa. Y a pas de papa. Papa, y a pas. Papa, y a pas. Y'a pas de papa. Papa, y'a pas. Y'a pas de papa. Y'a pas de parole. À cette chanson. Et c'est fini. Oh. Comme Gilou a chanté l'amour, les années 70, dans les années 70, vous vous rappelez, ce qu'il y avait écrit sur les murs pour ceux qui avaient 20 ans à ce moment-là, faites l'amour, ne faites pas la guerre. Faites l'amour, ne faites pas la guerre, c'est écrit en gras. Faites l'amour, ne faites pas la guerre. Ben, il y en a peut-être qui voudraient faire autre chose. Hein. Ben, pour faire l'amour, chère madame, il faut faire une déclaration. Pour faire la guerre aussi. Mais il est quand même plus facile, jeune fille, de faire une déclaration d'amour qu'une déclaration de guerre. Quoique, aujourd'hui, enfin dans l'histoire de France, à Don Rémy, il y avait un berger qui était amoureux fou d'une bergère qui s'appelait Jeanne. Lui, il voulait faire l'amour et elle voulait faire la guerre. Ben, elle a fini pucelle à Orléans. Hein. Ben, alors elle, pour le repos de la guerrière, on peut pas dire que ce soit l'amour qui l'ait consumé. Hein. Bien que ce soit pour faire l'amour ou pour faire la guerre, tout est une question d'essence. C'est pour satisfaire nos sens qu'on fait l'amour et c'est pour les sens qu'on fait la guerre. Bien qu'en général, les gens préfèrent glisser leur peau sous les draps que de la risquer sous les drapeaux. Ciao! Merci beaucoup à ce public chaleureux, gentil et complice et sympathique. Merci, le duo des Moretos, Bernard et Pierre Moretti, dans le studio de Radio Gamozo. Merci à vous tous, le public présent. On va encore échanger un petit peu entre nous, si vous le voulez bien. Peut-être qu'il y aura des réactions. Et puis aussi donner la parole à celle qui est arrivée il y a quelques instants et qui n'est pas la compagne de Frédéric, qui est animatrice à Radio Gamozo. On voit que Bernard n'écoute pas le 107 FM, hein, puisque Lou, tu l'aurais entendu sur ses oui, ondes. Oui, mais j'écoute. C'est comme lorsque je suis pressé et que je dis un mot sur deux, je l'écoute un jour sur deux et c'est pas le bon jour. Voilà, c'est ça. Ben Lou, tu veux réagir déjà un petit peu par rapport à ce que t'as vu ou t'as des questions à poser à Pierre et Bernard? Qu'est-ce que t'as envie de nous dire? Ben déjà une question que je me pose, parce qu'on voit que Pierre est quand même assez jeune, hein, parce que si je me trompe pas, Pierre et Bernard. Comment ça se passe en fait, surtout avec cette période de l'adolescence où c'est peut-être pas forcément facile de collaborer entre parents et enfants? Ben avec mon père, on a toujours été assez complices, donc bon, on s'est jamais fait la guerre entre guillemets. Bon, j'espère que ça va continuer, mais non, ça se passe très bien. Ouais, ça se passe très bien. Ouais, j'ajouterai que c'est quelque chose qui n'est pas forcé, qui se vit, hein, comme lorsque nous sommes partis en tournée l'été dernier, sur 3 semaines, 7 spectacles. Il n'y a pas d'attitude autocrate de ma part, et puis on décide pas de devenir artiste. D'ailleurs, on se prend pas pour des artistes. Nous sommes des saltimbanques, des troubadours, hein. Et si ça fonctionne bien et que nous sommes une association, le duo des Moretos, repéré comme association, si ça fonctionne bien, si on arrive à agrémenter notre spectacle avec un peu plus de mime, un peu plus de choses musicales, on verra bien où nous irons, en fonction de ce qu'aiment les gens. Mais il n'y a pas de pression, ni pour Pierre, ni pour moi. C'est pareil, c'est la vie comme elle va. Voilà, avec le plaisir avant tout. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez envie de réagir à ce que vous venez d'entendre et de voir? Non? En tout cas, vous pouvez aller, on le disait tout à l'heure, hein, sur le site le duo des Moretos, wordpress.com, mais de toute façon, on tape le duo des Moretos et il n'y en a pas... Il n'y en a pas deux, des duos des Moretos. Et on peut vous pourriez nous expliquer comment vous avez trouvé ce nom. Bon, on s'imagine, puisque le nom de famille, c'est Moretti. Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce qu'il y a eu un brainstorming entre vous deux ou pas? Alors, c'est papa qui a trouvé le nom, parce qu'il trouve toujours des noms nuls. Donc Exactement. Il y a 7-8 ans, je suis invité par une ferme auberge fort connue ici, dont je tairai le nom, pour une soirée avec beaucoup de sportifs, des footballeurs. Les footballeurs avaient bu un grand coup, sont arrivés vers 9h30, 10h moins le quart. Le responsable m'a dit, il faut aller les chercher, c'est toi qui fais le spectacle, va les chercher. Je suis allé les chercher, ils ont bu 2 ou 3 apéros de plus, et lorsque j'ai pris mon micro pour dire le premier mot, ils ont dit, Moretos, Moretos, Moretos. Et donc chaque fois que j'ouvrais la bouche, c'était Moretos, et puis je pouvais pas dire un seul mot. J'ai dit, je me suis raté, ça m'étonne pas, Moretos, Moretos, Moretos. Alors pour rentrer et puis pour avoir droit à mon cachet, j'ai pris l'apéro, donc j'ai enlevé cette chaussure, je leur ai tendu, ils m'ont mis du Ricard, j'ai bu le Ricard devant eux pour les apprivoiser, donc j'étais à moitié bourré. Mais les dames sont gentilles et bienveillantes, une d'elles m'a appelé, elle m'a dit, écoutez, ils ont bu un coup, ils ont tous décidé, ils aiment pas les gens du sud, ils aiment pas les chevaliers du, alors les chevaliers du fiel, pour nous c'est une référence, donc ils ont décidé que jusqu'à 11h ce soir, vous n'ouvrirez pas la bouche. Donc moi, c'était un de mes premiers cachets, j'ai essayé désespérément, j'avais beaucoup moins de métier que maintenant, j'étais stressé, je voulais mériter mon cachet, et donc chaque fois que je me levais, Moretos, Moretos, à 11h30 du soir, j'étais désespéré, voilà, ils m'ont dit, allez, viens ici, viens mon gars, donc ils s'assoient, ils disent, tu veux une petite prune, j'ai dit, ouais, ça va me requinquer, voilà. Et puis la personne donc qui tenait cette auberge m'a dit, ben j'étais allé la préparer la soirée 3 fois, 4 fois, il m'a dit, ben t'as rien pu faire, hein, donc je te paie le repas, je te file 10 euros. J'ai pas dormi de la nuit, et le lendemain je me suis dit, ben ça sera le nom du duo des Moretos, voilà d'où ça vient, et depuis ça nous porte un peu plus chance quand même. Il y a le site internet, vous pouvez contacter ce duo et le faire jouer pour vous, que vous soyez particulier, que ça soit à la maison ou que ça soit une association dans une salle. Alors, si je me permets, donc bien sûr le théâtre à domicile, ça se fait au chapeau, c'est toujours, alors les théâtres à domicile que nous en avons fait 12 ou 13, on rencontre donc les familles, le couple, donc ils peuvent communiquer avec leurs amis, souvent ils invitent 20, 30, 40, 50 personnes pour qu'à la fin il y ait 20, 30 ou 40 personnes, et c'est toujours excessivement sympa, convivial, tout le monde amène à boire, à manger, on échange, il n'empêche que le spectacle dure 1h10, 1h15, 1h20, voilà, et puis après avec les associations, parfois il y a des cachets, parfois non, voilà, c'est toujours pareil, c'est la vie comme elle va. Après, pour plus d'informations, c'est vrai qu'il y a vraiment une page dédiée du site internet avec 3 articles oui, sur les spectacles qu'on a fait, des photos et puis quelques textes, notamment aussi sur la tournée de cet été. Voilà. Voilà. Donc, pour plus d'informations. Voilà. On parlait du sud-ouest, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça c'est la parenthèse littéraire, Bernard, son parcours qu'il a un petit peu évoqué tout à l'heure, d'abord au sud-ouest, pas d'abord dans le sud-ouest, puis dans les Vosges, il le retrace dans 2 livres, Bernard. Ben oui, ben, disons que alors comme l'oiseau, hein, puisque j'ai participé à la comédie musicale Michel Fugain, j'ai écrit mes premières années de 5 à 50 ans, au moment où je partais à l'Évo, mais là il me reste plus qu'un livre, véritablement. Comme tu et dis, puis le deuxième qui est sorti... Comme l'oiseau, et ce que j'aimais bien, c'était sous-titré, c'était rigolo le sous-titrage, itinéraire chaotique d'un enfant pas vraiment gâté. C'est à référence au film de Lelouch. Oui, ouais, voilà. Et le deuxième livre, c'est Le Vosgien venu du sud, où je raconte mon arrivée dans les Vosges, la séparation avec la maman, Pierre, l'ADECHE, l'allocation sociale de solidarité. Et les premiers spectacles. Et les premiers spectacles. La moitié du livre est consacrée au premier spectacle. Le premier spectacle a eu lieu en 2009. À la salle à Rupt-sur-Moselle avec Scopère, qui est une maison de production avec qui travaille la mairie il y a 10 ans. Voilà, le premier depuis, il y en a, voilà. Et donc je raconte tout ça, c'est haut, c'est bas, les amours ratés, nos premiers spectacles. Les amours à venir, bien sûr, bien sûr. Oui, parce qu'il y a toujours cette note d'espoir, mais pas qu'en termes d'amour, c'est ce que l'on vit aussi qui est retracé dans Le Vosgien venu du sud. Voilà, il me reste 3-4 livres, d'ailleurs j'en ai fait suivre ici, si des fois ça intéresse quelqu'un. T'as oublié une partie du titre de ton propre livre, Bernardo. Oui. Un Vosgien qui venait du sud. Ah, j'ai pas dit. Oui, Bernardo, c'est ça. C'est important. Ouais. Pourquoi Bernardo? Ben Bernardo, parce que c'est marrant, on m'avait jamais appelé Bernardo dans le sud-ouest, et lorsque je suis arrivé dans les Vosges, peut-être est-ce dû à mon accent, on m'a, sur mes lieux de l'endroit où je travaillais à une structure sociale, on m'a appelé Bernardo. Donc je sais, donc du coup j'ai retenu que Bernardo c'était plutôt sympa, et comme lorsque j'ouvre la bouche et que j'ai l'accent du sud, on me dit c'est un rigolo lui, et un type un peu superficiel, un marrant comme ça, donc ça me rend service au niveau du spectacle. Donc Bernardo, voilà le Vosgien venu du sud. Autant tu le disais, hein, ton premier ouvrage, comme l'oiseau, ben, n'est plus disponible. En tout cas, il en reste un exemplaire. Autant celui-ci, et il était auto-édité d'ailleurs. Autant celui-ci, Bernardo le Vosgien venu du sud, c'est une édition de Qui vivra verra. C'est ça. Il en reste, bien évidemment, on peut le commander chez cette maison d'édition. Voilà, moi il m'en reste quelques-uns, et sinon c'est les éditions Qui vivra verra, dont le siège social est à Seine-Nabord, avec Gérald Razé, qui est donc l'éditeur, voilà. Tu as raison de rappeler cela, parce que c'est vrai que j'étais pas parti pour parler de ce livre-là, même s'il me tient à cœur, mais ça fait partie d'un tout, puisque la Seine, faut pas oublier, j'ai accompagné pendant 3 ans des structures sociales qui ont fait du théâtre social et artistique, et nous sommes partis à le sud-ouest avec une troupe que vous connaissez peut-être, qui s'appelle CTPS, Culture, Théâtre, Peinture, Sculpture, qui est à Remiremont, avec le petit théâtre de la Miroiterie. Voilà. Karine André et Alain Bollemont. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une membre de cette compagnie, en tout cas qui l'a été. Ah, bah, elle Martine. Me fait des signes, elle ne veut pas prendre parole. T'as vu, je me suis fait engueuler. Direct. Tu veux pas prendre la parole là-dessus? Non. Non, d'accord. Bah, c'était en tout cas sympathique que tu viennes, tout comme tous ceux qui sont venus ici dans le studio de Radio Gémozo, au 8 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne et Remiremont. Ça, c'est pour la précision. Pour voir ces deux spectacles, Bernard. Ben, moi, je vous remercie vraiment. Je le dis et je le redis, hein. Cette vie-là, c'est une vie d'échange. Moi, je le redis. Vous parlez de Raymond Devos. Moi, lorsque je suis allé dans ce pizzeria, ce que j'ai discuté avec lui, c'est lui qui m'avait donné envie. Et en même temps, c'est ce contact avec des gens, souvent, qui après sont en haut de l'affiche, parce que je l'ai revu 25 ans après. Il était à Montauban devant 3000 personnes. Mais en tous les cas, ce public là aujourd'hui, chaleureux, sympa, Gilou, tu dois ressentir les choses aussi. C'est ce qui nous met du baume au cœur et qui nous donne de l'énergie. Et merci pour tout ça. On va rappeler, je vais donner pour le mot de la fin, hein, la parole à Lou. Avant ça, je voudrais dire que ces spectacles, hein, donc cet événement, vous l'avez compris, nous l'appelons les samedis musicaux, même s'il n'y aura pas que de la musique. Vous l'avez vu ce soir et ça sera à chaque fois le cas. Hein, il y aura généralement un spectacle, on va dire musical, chanteur, chanteuse, groupe, et puis un autre spectacle. Et je peux déjà vous dire la prochaine fois, le 2 mars, c'est facile à retenir, hein, c'est le même jour. Samedi 2 mars, sauf qu'on changera de mois, et il y aura la partie qui n'est pas musicale, ça sera quand même musical un petit peu. C'est un auteur qui s'appelle Florent Kiefer, qui est déjà venu dans ce studio pour son livre Le Point sur la Méduse, c'était dans L'Heure des Loups, et lui sera avec un musicien qui s'appelle Jean-Nicolas Mathieu, qui est de Saint-Étienne, et il va vous proposer une lecture musicale d'une partie de son livre. Ça sera aussi très original, ça sera ici le 2 mars à 17h, donc venez nombreux. Ça vaudra le coup, la découverte, comme ce soir, certainement, de bons moments passés. Je pense que c'était le cas, tous. Oui, très bien. Convivial. Oui. Convivialité, le mot oui. Presque de la fin. Avant ça, Lou, je crois que tu voulais dire quelque chose. Oui, un dernier petit détail. Si jamais ça vous plaît, hein, parce que ça nous tient à cœur de vous proposer des événements gratuits et mensuels. On aimerait si possible faire ça jusqu'au bout de l'année. On va voir comment ça se passe parce que nos vies à tous sont en constant changement et la vie de l'association aussi. Alors si jamais ces événements de cet acabit vous plaisent et que vous voulez qu'on continue ou juste nous soutenir, nous faire un petit coup de pouce, il y a possibilité de nous faire des dons via notre plateforme Hello Asso. Alors il suffit de passer sur notre site radiogemozo.eu, on a un onglet direct, ou sur notre page Facebook Radio Gémozo, ou simplement venir frapper à notre porte pour nous faire un petit don. Ça fait toujours plaisir, après tout. Voilà, on fait tout ça pour vous, alors si jamais vous avez envie de nous encourager, pourquoi pas, hein. C'est pour ça qu'on vous propose des concerts gratuits, on vous offre notre cœur, on vous offre notre amour, en espérant que ce soit réciproque. Dans tous les cas, merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute tant sur le 107 que sur Facebook, hein. On fait encore un petit coucou aux auditeurs qui sont peut-être de l'autre côté de l'écran. Je pense que c'est tout pour ce soir, Mika. Dans tous les cas, rendez-vous le 2 mars à 17h. Et puis voilà. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci.